Un chef de brigand, Cartouche, par Funk Brentano. On a fait souvent de Cartouche un héros provincial, parcourant les routes, ayant ses repères dans les forêts de France, où il aurait détroussé marchands et voyageurs. Le jeune bandit a été au contraire essentiellement et exclusivement un Parisien, n'ayant guère quitté la capitale où il fut longtemps populaire. Très petit, 1m50, nerveux, agile, souple, sans cesse sur les lèvres le mot pour rire. Cartouche fut un type de Gavroche faubourien. Cartouche était réellement son nom de famille. Son père était un brave tonnelier de la rue du Pont aux Choux, et de ses prénoms il s'appelait Louis-Dominique. Les sobriquets sous lesquels il sera désigné dans la suite seront Petit à cause de sa courte taille et Bourguignon à cause de sa prédilection pour le vin de Bourgogne. Son éducation fut entièrement négligée. Il n'apprit ni à lire ni à écrire et ne reçut aucune instruction religieuse. En sa 12e année, il était né en octobre 1693, il s'agrégea à une troupe de ronsani, c'est-à-dire de bohémiens, qu'il avait admirés à la foire. Ceux-ci lui donnèrent l'enseignement qu'on imagine. Ce qu'ils lui apprirent de plus pratique fut le vol à la tire, l'art de tirer délicatement d'une basque ou d'un gousset, une tabatière, une bourse ou un mouchoir. 5 années passèrent de la sorte. Ramené auprès de son père par un oncle qu'il avait rencontré flânant sur les quais de Rouen, Cartouche allait rentrer dans le bon chemin quand il tomba amoureux d'une petite lingère en boutique, très jolie mais non moins coquette. La bourse d'un apprenti tonnelier n'a pas coutume d'être assez garnie pour satisfaire au goût d'une jeune fille avide de dentelles et de bijoux. Menacé de perdre l'objet de sa flamme, Cartouche se ressouvint de l'art dangereux que lui avaient enseigné les bohémiens. Surpris par son père, celui-ci résolut de le faire enfermer à Saint-Lazare. Le jeune homme s'échappa sur le chemin de la maison de correction. Le voilà entièrement à son mauvais destin. Cartouche a certainement été une nature exceptionnellement douée, d'abord par son esprit, auquel ses contemporains seront unanimes à rendre hommage, puis par son talent d'organisation. Il arriva promptement à ordonner ses compagnons en une société ayant tous les rouages nécessaires à une vie indépendante, un véritable petit état dans l'état. Lui-même, en sa petite taille, était d'une agilité, d'une souplesse, d'une adresse extraordinaire. Les dépositions recueillies à son procès le montreront échappant aux archers et agents de police qui le poursuivent par les cheminées des maisons où il s'est réfugié, y grimpant à l'intérieur, ou y dégringolant avec une égale aisance, ou bien sautant d'un toit sur celui de la maison en face, par-dessus la rue qui les sépare. On a à ce sujet des dépositions très précises. L'un des témoins entendus par les magistrats raconte comment certains jours, arrêté par un rassemblement, il s'informa de quoi il s'agissait. On lui répondit qu'il s'agissait d'un voleur qu'on poursuivait. Et de fait, ajouta notre témoin, j'aperçus par-dessus le toit, sur le haut d'une cheminée, debout, un particulier vêtu de gris blanc à boutons et boutonnières d'argent. Et puis le guet qui le pourchassait. Quand tout à coup, le dit particulier se jeta entre deux cheminées sur le toit d'une autre maison. Le tableau n'est-il pas pittoresque? Le jeune Cartouche, sauterio grêle et menu, debout sur le haut d'une cheminée, profilant sa fine taille, serré dans son amigri de fer à boutonnières d'argent, sur les tons gris du ciel parisien, tandis que les archers s'efforcent vainement de le capturer. La bande de Cartouche comptait des centaines d'individus, des lieutenants, dont les deux premiers, du Châtelet, d'Ille-Lorin et du Plessis d'Entraigues, appartenaient à des familles de gentilshommes, puis Rézy, dit le Craqueur, Balagny, dit le Limousin. Le rôle des lieutenants consistait essentiellement à transmettre à leurs hommes les ordres reçus du chef qu'ils étaient seuls à connaître. Le procès de Cartouche a révélé les noms de 366 complices, sans compter ceux qui échappèrent, et les nombreux affiliés répandus en province. Par leur sobriquet, on voit que la plupart des provinces de France étaient représentées parmi eux. Le Parisien, le Bourguignon, le Limousin, le Provençal, le Gros Picard, le Gascon, le Bourbonnais, le Lyonnais, le Petit Breton, le Flamand, le Normand, puis viennent Tête de Mouton, Patapon, Artaban, Vade-Boncoeur, Petit Père, Le Père Mon Plaisir, Belle Humeur, Belle Avoir, Brin d'Amour, Belle Amour, Gatelard, la Porte Saint-Jacques, Évêchien et Veilmatin. D'autres sont désignés par des traits de caractère ou des particularités physiques. Bras de fer, gueule noire, gueule d'or, jambes d'échalas, la douceur, l'exécrable, le chanteur de chansons. Le règne animal y fournit aussi son contingent, l'hirondelle, le petit lézard. Cette pittoresque énumération pourrait remplir plusieurs pages, et nous n'avons passé en revue que les hommes. Le côté du beau sexe n'est pas moins plaisant. Parmi les cartouchiennes, on peut citer la petite sœur grise, et qui fut peut-être la préférée du chef, la grande gazette, la petite gazette, la belle laitière sur le pont Saint-Michel, un peu long mais charmant, la brunette, la roussotte. Une de ces dames se nomme Tape de rue, oh, une autre, la grosse poulaillère, et une autre, la petite poulaillère. Fleur d'épine est un nom poétique. Il voisine sur la liste avec la vache à panier. Terminons cette énumération, où nous pourrions citer plus d'une centaine de noms, par celui d'une des plus actives cartouchiennes qui s'appelait Madeleine Bastille. C'est aujourd'hui le nom d'une ligne d'autobus. À quoi servaient les dames dans la bande de cartouches? Les unes se faisaient les receleuses des objets volés, ou en assuraient l'écoulement chez les bourgeois ou marchands. D'autres étaient recommanderesses, remplissant l'office que remplissent aujourd'hui les bureaux de placement. Elles s'entendaient à faire entrer cartouchiens et cartouchiennes comme valets et femmes de chambre dans les bonnes maisons. D'autres étaient enquilleuses, ce qui veut dire qu'elles cachaient sous leurs jupes les objets volés à la tire par leurs compagnons ou parfois les armes qu'il leur était interdit de porter. On est étonné du grand nombre de cabarets affiliés à la bande de cartouches. C'était le cabaret du Mouton, passé le chemin du Pont aux Choux, le cabaret du Vauquitet à Montmartre, la Petite Pologne et le Pied de Biche au Roule, le cabaret de l'Écharpe au Marais, la Herse à Vaugirard, le cabaret de la Pantoufle rue Mazarin, les Trois Poissons vis-à-vis de Saint-Médard, l'Épée Royale, Place Royale, la Belle Image rue Mouffletard, les Trois Entonnoirs en face de l'abbaye Saint-Germain, le Chalier rue de la Mortellerie et le Tambour au Petit Charonne. Nous n'en citons pas la moitié des auberges et estaminets qui offraient aux cartouchiens le gîte et le couvert. Ces cabarets étaient à double entrée. La plupart avaient des jardins où les voleurs se cachaient en attendant le coup à faire. Souvent, on attirait, sous un prétexte quelconque, farois et marcaudiers, ce qui veut dire bourgeois et marchands, dans la salle sourde par derrière, où l'on pouvait les assassiner en toute sécurité à coups de pistolet ou plus simplement. Quand ils sont entrés dans le cabaret, quelqu'un souffle les chandelles, les malheureux sont dépouillés, puis, l'allée sombre du jardin, on les mène à la porte de derrière, et ils se trouvaient dans une autre rue que celle par laquelle ils sont entrés. Et n'oublions pas le soin que Cartouche avait mis à s'assurer le concours de divers chirurgiens. Ils étaient au nombre de 4, installés dans différents quartiers de Paris. L'un d'eux, Jean-Baptiste Eulin, parut au procès de Cartouche. Derrière la salle de clinique, où les cartouchiens blessés dans leurs bagarres et les luttes contre la force armée recevaient les soins nécessaires, il y a une pièce aménagée pour la distraction des blessés qui peuvent y recevoir des visites, boire, jouer aux cartes ou au tric-trac et passer des heures agréables jusqu'à complet rétablissement. Une organisation complète, comme on voit, dans les diverses parties s'agençait exactement et qui étendait ses ramifications en province. Aussi l'audace des cartouchiens donnait-elle extrême. Ils avaient fait des recrues jusque parmi les agents même de la police et les propres serviteurs du duc d'Orléans, régent du royaume, sous la minorité de Louis XV. Chez le régent, au Louvre même, dans la chambre attenant à celle où mangeait le roi, Louison, frère de Cartouche, débarrassa le prince de Soubise de son épée et de son manchon. Au palais royal, où demeurait le duc d'Orléans, un garde, bas de bon cœur, était cartouchien. Il fut chargé un soir d'accompagner le régent jusqu'à son carrosse, et on lui confia à cet effet de superbes chandeliers en vermeil. Bas de bon cœur escorta très respectueusement son Altesse, mais ne crut pas devoir apporter les chandeliers. Le régent en vint à trouver ses plaisanteries très mauvaises, et comme sa police était impuissante à arrêter les voleurs, il voulut du moins réduire leurs profits. La vaisselle plate fut remplacée par de la vaisselle d'étain, et les poignées de ses épées furent dorénavant en acier ciselé, non plus en argent incrusté de nacre. Cartouche ne tarda pas à être en possession d'une de ses épées nouvelles. L'un des armuriers agrégé à la bande découvrit la fraude et Cartouche, très indigné, renvoya le lendemain au régent son épée toute en pièces avec un mot qu'il avait dicté et qui reprochait au régent, le premier voleur du royaume, de chercher à faire tort ainsi à ses plus modestes confrères. Cartouche ne put être pris que par la trahison de son premier lieutenant, du Châtelet. D'abord écroué en la prison du Grand Châtelet, le lieu ne parut pas d'une garde assez sûre pour un brigand tel que lui. Il fut transféré à la conciergerie dans la nuit du 31 octobre 1721. Il fut condamné à être mis à mort, après avoir subi la double question, ordinaire et extraordinaire, et le supplice de la roue. Voici le procès-verbal de torture. Il fait frémir en sa sécheresse. « L'avons admonesté, disent les magistrats, de nous déclarer ses vols, meurtres et les noms de ses complices. » a répondu qu'il ne saurait avoir de complice et qu'il est innocent. Alors les jambes du malheureux furent placées entre de grosses planches que des coins enfoncés à coups de maillet rapprochaient progressivement de manière à leur faire broyer les chairs et les os. Au premier coin, lisons-nous dans le procès-verbal, Cartouche a dit qu'il est innocent. Au deuxième n'a rien dit du tout. Au troisième n'a rien dit du tout. Au quatrième a dit qu'il est innocent. Au cinquième a dit qu'il est innocent. Et à chaque nouveau coin, les aises se rapprochaient davantage et les douleurs devenaient plus affreuses. Au sixième coin a dit qu'il est innocent. Au septième a dit qu'il est innocent et qu'il n'a point de complice. Au huitième et dernier a dit qu'il est innocent. Il faut songer au tourment épouvantable. Une pareille force de volonté inspire presque de l'admiration. Avec une égale énergie, Louis-Dominique Cartouche supporta l'horrible supplice de la roue le même jour, le 27 novembre 1721, au soir, sur la place de Grève, face à l'hôtel de ville. Après quoi, il fut étranglé. Ainsi s'achève un chef de brigands, Cartouche, par Funk Brentano.